s'écrivent qu'on reconnaît le lion. Au nombre de prisonniers, une démocratie et une sale pute à son fillon. Mes récits donnent froid au dos parce que la vie la chair de poule. Et ce putain de stress, des sueurs froides. Terre, c'est ce qu'il ne faut pas dire et savoir supporter l'injustice. Si la justice était réelle, il n'y aurait pas le mot fils. Mes mots sont comme des agents secrets emprisonnés pour espionnage. Libérés par ma bouche, dangereux comme un politique au prêt à faire déballage. Les juges Jack jaillissent, les jeunes muslims, jeunes taïs. Et le savoir dans le monde, c'est la matrice. On bénit le Père, but le Fils, raye le Saint-Esprit. Tu sais que le monde est rempli d'incrédules, d'esprits épris.